Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. L'équipe de Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant l'année 2019. Polaire 3 au 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6102. Exigène souhaite joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Exigène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Exigène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Section du club de golf de Chibougamau-Chaparral. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Je vais commencer seulement que demain mes podcasts à jour, mais on va commencer aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle importante qui est survenue hier. David Stern, l'ancien commissaire de la NBA, est décédé à l'âge de 77 ans. On avait parlé dans le dernier podcast, David Stern, juste avant Noël, avait fait un hommage cérébral. Ben, le premier jour de l'an 2020, il a rendu l'âme. Évidemment, il y a eu beaucoup de réactions. On en parle avec Pascal Jobin. Salut Pascal! Salut Danny, bonne année Danny à toi. Bonne année Pascal évidemment. Et tous les gens qui nous écoutent. Oui, et ça a commencé raide à part de ça. Ouais, c'est ben comme tu dis, on en avait parlé un petit peu avant. Là, il y a quand même une hémorragie au cerveau, fait que c'est quelque chose d'assez sérieux. Là, je pense que les gens s'attendaient à cette nouvelle. Lorsqu'il est rendu aussi, 77 ans, c'est plus difficile encore. Là. Ben c'est difficile, mais moi je trouve ça jeune, là, 77 quand même. Là. Ouais. De nos jours, je pense que on est capable. Puis je pense qu'il y avait vraiment l'air en bonne condition physique aussi. Là, je pense que c'est juste quelque chose de vraiment malheureux. Là, puis écoute, ça a été une personne. Je savais que j'étais pour te parler. Puis j'ai lu. Tu sais, LeBron James, c'était son rêve de serrer la main de David Stern. Là, ah dire, oui. Puis, ok. Ça, et c'est tous les jeunes. J'ai dit moi, Danny, quand j'ai commencé à jouer au basketball. Là, au milieu des années 80. Puis après ça, tu rêves de faire la NBA. Puis faire la NBA. La première étape qu'on te dit « Hey, tu es dans la NBA », c'est quand que David Stern dit ton nom et tu es repêché. Et puis, fait que c'est vraiment la première personne que les athlètes ils vont serrer la main. Là. Puis fait que je disais ça, que LeBron James a dit son rêve, c'est de... Tu dis quand tu es jeune, un jeune garçon, tu veux serrer la main à David Stern. Puis, je me souviens lorsque Samuel, en 2001, a été repêché, un de mes anciens joueurs. Ouais. Moi, j'étais physiquement au repêchage, j'étais à New York. J'étais là quand LeBron était repêché, mais j'étais là quand Samuel était repêché. Puis vu qu'on était sur place, il a été serré la main à David Stern. Puis ça a été vraiment, vraiment spectaculaire. Puis faut pas t'oublier une chose, là, quand tu te faisais repêcher dans la NBA, David Stern serrait la main seulement aux joueurs qui ont été repêchés en première ronde. Donc, il y avait seulement 30 joueurs. Oui, parce que la deuxième ronde, c'est le... À l'époque, c'était Adam Silver, la deuxième ronde. C'était quelqu'un d'autre. Okay. Fait que ça, c'est la première étape pour un joueur NBA là, depuis quoi? Depuis les années 80-90. Et David Stern est quand même la personne... Je pense que tu vas faire tes recherches, Danny, mais c'est un des commissaires. sinon le meilleur dans l'histoire du sport professionnel. Tout sport confondu, parce que, écoute, hier on parlait de Pete Rozelle, parce que Rozelle a été quand même, c'est lui qui a mis la fusion des deux ligues, la AFL et la NFL, pour faire ce que la NFL aujourd'hui. Sauf que David Stern, écoute, ce gars-là, quand il est arrivé en poste, la NBA, c'était, on en a parlé avant Noël, les matchs de finale étaient présentés en différé à CBS. si je ne me trompe pas, il y avait des problèmes de drogue aussi? Oui, il y avait des problèmes au niveau des franchises, au niveau de l'argent, au niveau de plein de choses. David Stern est arrivé avec le côté marketing, le côté vente, si je me trompe pas, c'est lui qui a ramené le concours de dunk qui appartenait à la ABA. Je veux dire, il a fait beaucoup de choses très intéressantes. C'est sûr que l'arrivée de Larry Bird, Magic Johnson, a pas nui. Ouais. Et après ça, on parle de Michael Jordan. Mais tu sais quoi, Danny? Ouais. Ça prenait quand même quelqu'un pour gérer ce talent-là et le mettre à un autre niveau. Tu sais, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et David Stern, je pense que tout le monde... Tous les joueurs, tous les propriétaires sont d'accord de dire qu'il a mis la NBA, on parle des Olympiques en 92. C'est lui qui a travaillé fort avec FIBA pour faire ça. Et c'est ce qui a créé le basketball de la NBA au niveau mondial, au niveau global. Puis c'est sûr que ça l'a aidé à faire grandir le basketball au niveau mondial. Et je pense que c'est la personne vraiment, avant lui et après lui, il n'y a personne. Adam Silver, il suit dans les pas de David Stern. Mais ce que David Stern a fait, il l'a créé avec cette ligue-là. Il a su comment bien placer les pions. Il a fait un travail phénoménal comme commissaire de la NBA. Là, puis je pense que les gens sont d'accord de dire ça. Écoute, c'est lui aussi c'est le plafond salarial et les partages de revenus. C'est lui également qui a mis ça. Aujourd'hui, s'il y a des taxes de luxe, s'il y a des formes de plafond salarial, c'est un héritage flagrant de David Stern aussi, là. Puis, tu sais, aussi aider, il y a une époque où les joueurs pouvaient quand même se promener beaucoup plus. On dirait que les joueurs bougent plus facilement, mais prends LeBron James, il a quand même passé 7 ans à Cleveland. Et il n'a pas passé 2 ans, puis il est parti à Miami. Il a passé 7 ans. 7 ans dans ses deux parcours? Contrat de rue. Oui, OK, oui. Fait que David Stern a mis certaines règles. Puis aussi la règle que si tu re-signes avec ton équipe, c'est l'équipe qui peut te donner le plus de sous. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. Fait qu'il y a des joueurs qui ont... Exemple, si Kawhi serait resté à Toronto, ben Toronto est l'équipe qui avait le droit, selon les règles de la NBA, de donner le plus d'argent. Fait qu'il fait moins d'argent à Los Angeles. C'est sûr qu'il va peut-être chercher son argent d'une autre façon. Peut-être plus de commanditaires, là, tu sais. Ouais. Souvent les athlètes de nos jours, mais David Stern était quand même quelqu'un avec l'association des joueurs puis comme représentant des propriétaires. Puis il y avait un bon salaire aussi. Je pense que chaque équipe donnait au moins 1 million de salaire. Fait qu'on parle de 30 millions, 25 à 30 millions par année que David Stern faisait. Mais c'est tout un bonhomme. Puis moi quand j'étais la première image que j'ai eue quand j'ai su qu'il était décédé, c'est j'aurais donc aimé serrer la main à David Stern. Ça l'aurait voulu dire que j'avais fait la NBA. Tu comprends? Oui, c'est sûr. Mais dans le cas de Stern également, c'est lui qu'on doit les Raptors. On les doit aujourd'hui. Parce que rappelle-toi, en 1995, c'était risqué d'expansionner au Canada. Là. Les Grizzlies, ça n'a pas été un grand succès. Par contre, il faut dire que du côté des Raptors, eux autres également, c'est un succès. Donc, on doit un petit peu les Raptors à David Stern. Ben, je pense que l'expansion, comme tu as dit, puis ses décisions, puis rester à 30 équipes, puis bon, il a quand même accompli beaucoup, beaucoup de choses. Puis je pense qu'il y avait une bonne relation, et il a créé une bonne relation entre l'association des joueurs et les propriétaires. Tu sais, on a connu la grève en 80. Ouais, c'est ça qu'on disait. Je lisais un papier, justement, qui disait que c'est peut-être le point noir. S'il y a un point noir de la carrière de David Stern comme commissaire, 3 lock-outs. Ouais, 3 lock-outs. Ça, c'est un point noir, hein? Mais ça fait partie du succès, tu sais. Il y a peut-être eu des lock-out parce que au début, il n'y en avait pas parce que les joueurs étaient juste contents de peut-être faire un peu de sous, mais la NBA a tellement explosé qu'à quelque part, les propriétaires se sont dit ouh, on fait beaucoup de sous. Fait que là, les joueurs ont dit c'est peut-être un point noir au niveau de sa carrière, mais il a quand même bien géré ça. Tu sais, il n'y a pas eu de. La NBA n'est pas devenue une autre ligue où il n'y a pas, tu sais. Fait que je pense qu'à quelque part, ça fait partie de la business. Puis David Stern était prêt à accepter ces choses-là. Mais... Qu'est-ce qui reste comme héritage qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on peut dire qui reste comme héritage dans le cas de David Stern? Moi, je pense que c'est la globalisation de la NBA. Tu regardes, que ce soit la Chine, que ce soit la Grèce. Il y en a plusieurs des héritages. Là. Écoute, exactement. Mais je pense que le... moi, j'avais lu à l'époque que c'était un génie de marketing. Oui. Tu sais, Danny, on parle souvent, le hockey, c'est un petit peu vieux jeu au niveau, que ce soit médias sociaux ou ces choses-là, ouais. Parce que les Canadiens de Montréal, c'est pas Carey Price et les Canadiens de Montréal, non. Exemple. Mais au basket, c'est Anthony Davis, LeBron James contre Kawhi Leonard et les Raptors. Tu veux dire, fait que je pense que le côté individuel, le côté de la NBA, c'est toujours quand même, a toujours bien vendu ses stars. Ouais. Et je pense que c'est, tu regardes la NBA, Danny, là, on a eu des conversations sur ça, mais au niveau de mainstream, au niveau de médias sociaux maintenant, c'est la meilleure ligue. Là. Oui, ils sont en avance pas mal. Puis on rajeunit leur membership, hein. c'est de tous les sports. Et je ne sais pas si ça a un lien. Oui, ça a un lien avec David Stern. Ah, avec les médias sociaux, c'est sûr, c'est certain. C'est une ligue qui s'est toujours ajustée au 15-25. Tu veux dire? Oui. Fait que ça on peut hériter l'héritage de David Stern. Pascal, si tu permets, donc, David Stern qui est décédé à l'âge de 77 ans, si tu permets, on va faire une pause, on est encore dans la période des fêtes et on va revenir. Et je veux te parler d'un papier que j'ai vu dans le temps des fêtes sur trois Québécois qui sont courtisés par la NCAA et qui font partie de l'Académie de la NBA. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Pascal Jobin sur les ondes de danradiosport.com. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins et Plaine Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2020, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. À toute la population de la MRC de Maria-Chapdelaine, joyeux Noël et bonne année! En cette période du temps des fêtes, le moment est venu de se rappeler des gens qui font notre succès. Les entreprises Rodrigue Piquette aimeraient remercier sa distinguée clientèle qui les a encouragés pendant la dernière année. Paix, bonheur et surtout santé, c'est ce que vous souhaite le personnel et la direction des entreprises Rodrigue Piquette du 410 8e avenue d'Olbeau-Mistassini, 418-276-2275. L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, 118 rue de Quin d'Olbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. On est de retour à danradiosport.com. Pascal, j'ai vu, je pense que c'est dimanche dernier ou samedi passé, ou vendredi passé, que trois Québécois font partie de l'Académie de la NBA. Il y en a un qui aurait signé avec les Tigers de Clemson. On dit que c'est un joueur qui va dominer dans l'NCAA. Et toi, tu les connais bien. Est-ce que c'est trois gars prospects qu'on peut voir NBA qui peuvent suivre les traces de Chris Boucher et Logan Stark? Ben, je pense que oui. Je pense que je connais pas beaucoup de Trey. J'ai eu la chance de coacher contre lui. Il vient de Saint-Laurent. Il était au Collège de Champlain, là, il est à l'Académie maintenant. Olivier Maxand, j'ai eu la chance de coacher Olivier Maxand et Bénédicte. Ben, comme on l'appelle, avec beaucoup d'élite, il y a quelques années, quand je coachais l'équipe U15, déjà à l'époque, tu voyais le talent au niveau athlétique, au niveau de physicalité. Tu sais, moi, je me souviens quand Lugans avait 15 ans, j'avais dit à certains de mes amis, c'est un gars-là, il a déjà le physique d'un joueur NBA à 15 ans. Es-tu surpris d'avoir dans la NBA la première? Absolument année? Pas. Non. Non, mais la première. Non. Moi, j'aurais pensé que tu aurais pu faire une année dans la G League, non? Sais-tu pourquoi c'est un joueur très, très, très physique et très défensif? OK. Ça, dans une équipe, t'en as toujours de besoin. au basket, t'en as toujours besoin d'avoir un gars qui va venir du banc. Puis je pense que quand ils l'ont fait venir de la G League, probablement dans les pratiques, c'est une bête. Comprends-tu ce que je veux dire? Dans les pratiques, là, c'est, tu peux pas avoir mieux. Puis il arrive dans un match. Écoute, moi, je sais pas si tu as vu le match des Raptors, là, mais Lugans était en face de Kyle Lowry. Là, tu veux dire, c'était à la fin au quatrième quart. Là, fait que ça, c'est la confiance que l'équipe a envers lui en sachant que ce gars-là va être tout un défenseur. T'en souviens, je parlais de lui comme un Marcus Smart. Mm. Je le comparais à Marcus Smart. Tu veux dire, offensivement, ça va s'en venir parce que c'est quand même un gars capable de scorer. Mais dans la NBA en ce moment, c'est probablement déjà en partant. Quand il est sur le terrain, je suis sûr que c'est un des top 50 défenseurs de la NBA. Actuellement, déjà là. Ah ouais. C'est tout un athlète, c'est tout un joueur défensif là. OK. Puis si on revient sur Bénédicte puis Olivier Maxand qui est signé avec Clemson. D'après moi, Bénédicte va prendre une décision bientôt. On parlait d'Arizona. J'avais entendu parler d'Arizona pour lui. Oui, Arizona, ça commence à prestigieux, Arizona, là. Je pense que Bénédicte est un joueur capable d'être ce qu'on appelle un one and done. Olivier Maxand, de peut-être une ou deux saisons au niveau de sa position, parce que Bénédicte est capable de jouer en 1-2. Olivier Maxand, c'est plus un genre de 2-3. Mm. Mais c'est deux gars de Montréal, deux gars que je pense. C'est sûr que c'est des pros. Et je pense que les deux vont cogner sur la porte NBA. OK. Donc, d'ici quoi, 2-3 ans? Parce qu'ils vont jouer éventuellement. Ouais, on va dire 2-3 ans. OK. Pascal, Zion Williamson a pratiqué pour la première fois aujourd'hui. Est-ce que donc Zion, en peux-tu d'ici un mois? Zion est prêt à jouer. Okay. Mais pourquoi se dépêcher? Ouais. Fait que je pense qu'on va le laisser pratiquer. On va le laisser pas. Je pense qu'il va jouer d'ici la fin janvier. Mm. Plus on attend, mieux c'est, parce que la saison des Pelicans elle est finie, disons la vérité. Ouais. Il n'y a rien à prouver. Je pense que c'est juste une question de au niveau des billets de saison, au niveau de la population, au Nouvelle-Orléans, de leur ramener quelque chose de positif. Là. Mm. Mais on a attendu, s'ils pratiquent aujourd'hui, c'est parce qu'il est prêt à jouer. Okay. Mais entre nous deux, mettons, là, ils seraient en septième place pour les séries. Là. Ils joueraient demain jouerait matin, le match, ils seraient capables de jouer. OK. Je suis convaincu. Pascal, encore une fois, bonne année. Merci beaucoup pour ta collaboration, puis au plaisir de se parler dans 15 jours. Un plaisir, Danny. À bientôt, et puis bonne année à tous les gens qui te suivent, Danny. Merci beaucoup, Pascal Jobin, notre collaborateur de la NBA.